manque un peu les filles. Allez, on va arriver ! Si vous cherchez la bagarre, regardez-moi bien en face. Elle s'imagine que je lui dois tout. Une femme est aimée dans mes bras. On a tous quelque chose en nous de Tennessee. Allez, tout le monde autour de moi. Salut, c'est Eric, bienvenue ici sur l'antenne de Érigé 90.7 de la bande FM sur Bordeaux. Et évidemment, on retrouve cette émission Johnny de A à Z sur internet erigfm.fr. Je suis très heureux de vous accueillir pour cette 487e émission ici sur Érigé, Johnny de A à Z, votre émission du mercredi. Et aujourd'hui, on va avoir droit à un album de la semaine qui sera l'album qui est même l'album Gang, qui est le 37e album studio de Johnny Hallyday, écrit et réalisé par Jean-Jacques Goldman. Il sort le 6 décembre 1986. Les singles Je t'attends, J'oublierai ton nom, Je te promets et Laura sont extraits. Et en 1986, après le succès rencontré par l'album Rock'n'Roll Attitude, écrit et composé par Michel Berger, disque qui l'année précédente a relancé sa carrière, Johnny Hallyday fait à nouveau appel à un autre auteur-compositeur-interprète populaire, Jean-Jacques Goldman. Contacté, celui-ci accepte aussitôt de composer au départ quelques titres pour son prochain album, et Jean-Jacques Goldman se confie en 1992 au biographe de Johnny Hallyday. Je n'ai pensé qu'une chose, ce type m'intéresse et je peux lui apporter quelque chose. Au début, je ne voulais faire que la moitié de l'album, je voulais faire seulement une face. À l'origine, il est convenu qu'Elton John réalise l'autre face, mais pour une raison inconnue, cela ne peut se faire. Johnny Hallyday et son équipe reçoivent les 7 titres proposés par Jean-Jacques Goldman pour qu'ils en retiennent au moins 5. Ils m'ont rappelé pour me dire que les 7 titres leur plaisaient et qu'il souhaitait que j'en écrive 2 de plus pour faire tout un album. Finalement, 10 chansons seront enregistrées, toutes signées Jean-Jacques Goldman. Le disque est enregistré au Gang Recording Studio à Paris du producteur Claude Peterflam. Et le nom du studio donne son titre à l'album. On va écouter tout le long de cette émission la période, on va dire 86, 87, 88 en majorité. On aura droit à des lives originaux, à des lives Tipiak. On aura aussi droit à Johnny Hallyday à la télévision, et puis aussi quelques extraits radio également. Mais je n'en dis pas plus, on va commencer tout de suite cette émission Johnny de A à Z avec le premier titre de l'album de la semaine qui est Gang. Voici le titre qui en fin de compte est sorti en 47 tours mais qu'en version live. C'est le titre L'envie. Bonne écoute à toutes et à tous. La lumière, qu'on me donne la faim, la soif, puis un festin, qu'on m'enlève ce qui est vain et secondaire, que je retrouve le prix de la vie enfin, qu'on me donne la peine, que j'aime dormir, qu'on me donne le froid pour que j'aime la flamme, pour que j'aime ma terre, qu'on me donne l'exil et qu'on m'enferme maintenant pour rêver à des femmes. On m'a trop donné bien avant l'envie, j'ai oublié les rêves et les merci, toutes ces choses qui avaient un prix, qui font l'envie de vivre et le désir et le plaisir. Pour que j'aime l'amour, la solitude aussi, pour que j'aime les gens, pour que j'aime le silence, qu'on me fasse des discours et toucher la misère pour respecter l'argent. Tout ce que j'aime, être sain, vaincre la maladie. Qu'on me donne la nuit pour que j'aime le jour. On me donne le jour pour que j'aime la nuit, pour que j'aime aujourd'hui, oublier les toujours. On m'a trop donné bien avant l'envie, j'ai oublié les rêves et les merci. Toutes ces choses qui avaient un prix, qui font l'envie de vivre et le désir, et le plaisir aussi. On me donne l'envie, l'envie d'avoir envie, qu'on rallume ma vie. Salut, c'est Johnny. Johnny en live. On retrouve Johnny Hallyday en 1987. C'était un Alors moi, je voudrais qu'on accueille monsieur Johnny Hallyday. C'était dans l'émission La Nouvelle Affiche, le 7 janvier 1987. Goldman est présent avec Johnny. Dans mes nuits, dans la nouvelle affiche, c'était le 7 janvier 1987, en présence de Jerry Goldman, et en même temps, il avait interprété le titre « Je t'attends ». Nous allons retrouver maintenant Champs-Élysées, l'émission Champs-Élysées, où Johnny participait. Johnny Hallyday, Michel Berger et Jean-Jacques Goldman avaient préparé un petit texte. Ça, là, pour les tonalités et tout ça, ça colle à peu près. Et puis, te dire que tout se passe bien. Ça va de votre côté aussi ? Bon, ok. Ouais, il est là. Bah, je te le passe. D'accord, salut. Tiens, c'est Michel. Merci. Allô ? Michel ? Tu vas bien ? Alors, comment ça se passe, la vie ? Bien ? Ah, bah, tant mieux. Dis-moi, dis-moi, je voulais te demander deux, trois choses, là. Il est pas un peu bizarre, Goldman ? Non ? Non, parce que, tu sais, il reste des heures debout à jouer du piano dans le studio. Bon, parce que, il n'y a pas que, tu me diras, mais enfin. Et puis, bon, il fume pas, il boit pas, il se marre pas souvent. Ah bon, il est toujours comme ça. Ah bon, c'est quand il se concentre. D'accord. Et puis, il y a une autre chose aussi qui m'inquiète. Ça fait une heure et demie qu'il est sur une chanson qu'il m'écrit, une chanson qui s'appelle « Je t'attends ». Et il répète, ça fait une heure et demie qu'il répète « Je t'attends, je t'attends ». Tu crois que ça va évoluer un peu ? Hein ? Ah, c'est normal, il travaille toujours comme ça. Bon, d'accord, ok, ben je m'inquiète pas, non, t'inquiète. Ok, d'accord. Alors, à part ça, tout va bien. Ok. Bon, ben écoute, je t'embrasse, et puis quand tu reviens de Vichy, tu m'appelles, et puis on dîne ensemble. D'accord, hein? Ben je t'appelle en revenant, promis. Allez, t'embrasse tout le monde. Non, non, mais raccroche pas, je sais pas, donne-moi un petit bout de la chanson, le début, par exemple. Voici le deuxième extrait d'album de la semaine, je t'attends. À force d'impasse et de fausses routes, à force de s'habituer au pire, à force de montrer tant qu'on les écoute, jusqu'à ne plus même oser les dire. À force d'alcool, de filles trop belles, pour imiter le goût du bonheur, à force de ne parler qu'aux poubelles, au petit matin cassé. Je t'attends, depuis si longtemps. Est-ce que vous avez compté le nombre de fois que Johnny réitère hein, « Je t'attends, je t'attends, je t'attends » Non ? Ben on va le remettre de suite alors. Salut, c'est Johnny. Johnny en live. Nous sommes en 1984 au Sunday Rock. Johnny en duo avec Jean-Jacques Goldman sur « Quand la musique est bonne ». C'était sur RTL. Johnny présentait les Sunday Rock. Et Jean-Jacques Goldman dans l'émission Sunday Rock présentée par Sam Bernett et Johnny Hallyday en 1984. Bye Hallyday. Envoie-moi la musique. Un autre titre qui est signé d'une collaboration entre Johnny Hallyday et Jean-Jacques Goldman, mais ça c'était en 1995 sur l'album Lorada. Voici tout de suite sur le thème du RIG Le regard des autres. Pas vraiment un hasard, ce goût des lunettes noires. Y a pas plus bavard qu'un regard. On vous a dit tout petit les bons points, les fautes. Moi moi j'ai appris la vie dans le regard des autres. Il y en a des froids, des durs, ouais, qui te veulent du mal, dès qu'ils te clouent au mur. À la Lorraine Bacca, j'en ai vu des si clairs, si purs, si profonds, que j'ai donné misère, le bon Dieu sans confession. Il y en a qui te jugent précis sans indulgence, comme un combat de rue, dans le froid, dans l'urgence. Et tendre et discret, dans un battement de cils, qui te disent, je sais, c'est pas toujours facile. J'y vois ce que je suis, ce que je ne suis plus. C'est le livre où je lis tout ce que j'ai jamais. Il y en a des obliques, ceux des chiens de faïence. Il y a le regard supplique, il y a le regard offense. J'ai lu du désir, oh, de l'envie, du mépris, et parfois du plaisir. Parfois c'est ce que j'ai dit. C'est... J'ai eu des appels plus strident que des cris, des phrases plus belles, plus sûres que par écrit. Ils te disent l'amour, ou ils te disent la haine, bien mieux qu'aucun je t'aime, oh, bien mieux qu'aucun discours. Tu peux changer de pays, même changer de visage, mais ton regard se suit. Il est comme un tatouage, s'il n'a plus de puissant, avait besoin d'apôtre, c'est que personne n'est rien, sans le regard des autres, sans le regard des autres, oh non. Il y a ce qui te hante. Ce que tu espères. Et tout ce qui te manque. Regarde-moi dans les yeux. Regarde-moi dans les yeux. En 87 à présent, avec John Hallyday qui partait en Irlande. C'était embarquement immédiat. Je ne sais plus quelle quelle date exactement. Mais Johnny interprétait un duo avec Corinne Charby sur le titre « Elle est toute seule » qui est issu de l'album de la semaine. On dirait Anna Carilla dans Pierrot le fou. Et et toi, on dirait Marlon Brando dans Sur les quais. Vous vous promenez comme ça, toute seule? Je suis pas toute seule, je suis avec mon transistor. Quand on ne sait pas une date, mais les internautes, qui est ceux, les auditeurs de l'émission, me donnent la réponse. Et embarquement immédiat en Irlande avec John Hallyday, c'était le 17 juin 1987. Merci Rook. On part tout de suite, John Hallyday en live. Salut, c'est Johnny. Johnny en live. Nous sommes à présent en 1998, lors du Stade de France. C'était la soirée du 11 septembre. Johnny va nous apprêter Je la croise tous les matins, encore un extrait de l'album Laurada, écrit par Jean-Jacques Goldman. Évidemment, tout le monde le sait que Jean-Jacques Goldman va rejoindre Johnny Hallyday sur la scène du Stade de France. Et juste après, on écoutera Jean-Jacques Goldman qui parlera de son expérience sur scénique avec Johnny. C'était lors de la soirée diffusée par RTL le 6 septembre 98. C'est pas assez fort. La lumière me fait peur. 7h40. Elle va prendre son train. Jean-Jacques Goldman. Voici Jean-Jacques Goldman juste après sa prestation du 6 septembre 98. Eric. Oui. Oui, tu es là depuis le Stade de France, tu voulais ? Je suis avec le Stade de France et je suis en face de Jean-Jacques Goldman. D'accord, ok. 5 minutes qu'il est sorti de scène. T'as l'air sonné, Jean-Jacques, ça va ? Non, c'est de nature, ça. Ça n'a rien à voir. On était justement en train de passer mais la version disque de Je la passe tous les matins. Bon, raconte-moi alors, c'était comment ? Ouais, c'est un peu abstrait. C'est vrai. Ouais. Il y avait tous les gens qui ont travaillé pour Johnny, avec Johnny ces dernières années, qui étaient représentés, dont toi évidemment avec cette chanson. Comment ça s'est passé, le fait qu'il t'ait demandé de venir? Ça fait longtemps, vous avez réfléchi ensemble à des trucs ou... J'avais pas fait le Parc des Princes et je savais qu'il voulait me le demander et je savais qu'il osait pas. Et comme il a été extrêmement sympa, en particulier sur les émissions des Enfoirés et tout ça, aux derniers Enfoirés, je suis allé le voir juste avant, je lui ai dit demande-moi quelque chose. Alors il m'a dit je veux que tu fasses au Stade de France. J'ai dit d'accord, voilà. Et alors après, qui a choisi la chanson? Comment ça s'est passé? Comment ça s'est passé? Je crois qu'il m'a donné une liste. Oui. Et voilà. Et c'est toi qui as choisi Je la croise tous les matins? Je crois, ouais. Je me souviens pas bien, mais il y en avait plusieurs possibles. On a discuté un peu. Ouais. C'est de tous les gens qu'on a vu monter sur cette scène, qui sont passés après au micro ou avant, je sais pas, c'était peut-être le plus lointain de tous. Comment tu l'as vécu cette scène avec ces 80 000 personnes et pas loin. Ouais, j'ai l'impression de faire une télé, quoi. À ce point, t'as vu la scène, elle fait 100 mètres, les gens sont à 40 mètres, on les entend pas. Fin... Ah bon, tu les entends pas sur scène? Moi, je n'entends pas, moi. Et chanter avec Johnny, c'est comment, à chaque fois? Bah, c'est impossible, quoi. Ils chantent trop bien. Donc, t'essayes de limiter les dégâts. Ouais, pour finir, comment on réfléchit quand on écrit pour Johnny Hallyday? Je sais que t'as écrit pour beaucoup de gens et beaucoup de grands. Est-ce que c'est différent quand tu penses à Johnny, ou est-ce que tu fais des chansons et tu les donnes à Johnny? C'est différent avec lui. C'est difficile aussi. Pourquoi? Parce qu'il a une longue carrière derrière lui. Il a fait beaucoup de choses. Et c'est difficile de trouver quelque chose qui soit en même temps un peu plus nouveau, parce que on peut pas faire tout le temps la même chose, et en même temps qui corresponde à ce qu'il est. Ça devient de plus en plus, pour moi, ça devient de plus en plus problématique. Et est-ce que tu penses à la scène quand t'écris pour Johnny? Non. Non, mais par contre, je sais que c'est sur scène qu'il les chantera le mieux. Ouais. Oui, mais ça se traduit dans l'écriture ou pas du tout? En ce qui me concerne, non. Tu viens de dire que t'avais un petit souci par rapport à l'écriture avec lui. Ça veut dire que t'es en train peut-être de travailler pour Johnny? Non, ça veut dire que j'en ai eu sur le dernier album, Le Radar. Ah oui? J'avais fait, où j'avais trouvé deux chansons péniblement et j'avais fait appel à d'autres pour trouver d'autres possibilités. Et je trouve ça très bien ensuite qu'il ait demandé à Pascal et pour se renouveler, quoi. Il y a toute la bande, ouais. Non, bah merci Jean-Jacques Goldman d'être venu. Et puis belle prestation quand même, je la croise tous les matins. C'est vrai que tu rentres à 5h40? Je pense qu'il y a menterie là. Merci. Bon, les gens vont comprendre. Tout ça pour dire, parce qu'à la fin de la chanson finit par elle va prendre son train et moi je rentre, et Jean-Jacques finit par elle va prendre son train, il s'arrête de chanter, il tend le micro à Johnny qui dit et nous rentre. Mais enfin c'est pas tout à fait faux, lui il rentre à 5h40 et moi je rentre à 17h. Bon, c'est l'après-midi, ouais. C'est pas tout à fait faux, quoi. Merci Jean-Jacques Goldman. Salut Jean-Jacques, à tout à l'heure Eric. Jean-Jacques Goldman au micro de Eric Jean-Jean. On va passer maintenant au troisième extrait de l'album de la semaine, qui est J'oublierai ton nom, qui est la troisième chanson donc de l'album, à parler de l'isolement de l'artiste. Dans la première, avec l'envie, il évoque l'ennui. Dans la deuxième, je t'attends, et l'attente, bien entendu. Et là, c'était en duo avec Carmel, qui dépeint la couleur douleur de la séparation. Au moment où cette collaboration est proposée à la chanteuse Carmel, qui a chanté auparavant Sally, la jeune femme est au sommet d'une gloire éphémère. Elle a su imposer sa version d'une soul blanche plutôt dansante qui lui vaut les faveurs du public jeune assidu des pistes de danse. Carmel se coule avec un bonheur rare dans la voix de Johnny Hallyday et dans la mélodie somptueuse de Jean-Jacques Goldman. La vraie trouvaille, c'est de lui avoir réservé une partition en anglais. Ça accentue tout à la fois le contraste entre les deux artistes et ça ancre l'idée qu'ils n'ont plus rien à se dire et qu'ils ne parlent plus la même langue. J'oublierai ton nom réconcilie immédiatement Jean-Jacques Goldman avec les fans de Johnny qui doutaient encore un peu de la pertinence de leur collaboration. Dimanche, la seconde immobile aux aiguilles qui penchent, j'oublierai ton nom. De quatre nouveaux murs dans un autre quartier, de pinceaux de peinture en meubles installés, j'oublierai ton nom. De la piste suante à la dernière danse, quelques nuits de feu ou matinées de cendre, de cette agitation. Du fond de ma raison jusqu'à mon inconscience. De la main d'un ami au baiser d'une bouche, de ceux qui sauront lire que le mal a fait mouche, j'oublierai ton nom. Salut, c'est Johnny. Johnny en live. Anto John Hallyday en 1988, exactement le 30 janvier 88, dans l'émission Piaf mon amour. Pour la première fois, j'avais emmené Mireille Mathieu sur la scène du Bolchoï. Et on s'avait dit qu'il avait fallu la tirer dans les coulisses parce que la salle ne la laissait plus partir. Tu te souviens ? Oui, j'avais un gros nounours dans les bras. Je vais t'en donner un autre nounours. Parce que j'ai une idée comme ça. Je ne sais pas si Claudric peut. Attends, je vais prendre ce. Parce que là, problème de distance. Voilà. Il y avait. Moi, il m'est toujours resté dans la tête. Oui. Très très belle chanson de Piaf. Et je peux pas la chanter, moi. Je peux pas me donner Serge, les premières notes, là, c'était comment ? Attends, les premières notes, là. Ah oui, c'est ça, oui. On reconnaît Yves Mourouzi et Mireille Mathieu. À quoi ça sert l'amour, mais... Oui, ça sert à quelque chose. À quoi ça sert l'amour ? On raconte toujours. C'est des histoires insensées. À quoi ça sert d'aimer ? L'amour ne s'explique pas. C'est une chose comme ça qui vient d'on ne sait d'où et vous prend tout à coup. Excusez-moi, j'ai entendu dire que l'amour fait souffrir, que l'amour fait pleurer. À quoi ça sert d'aimer ? L'amour, ça sert à quoi ? C'est très joli, mais quand tout est fini et qu'il ne vous reste rien qu'un immense chagrin. Tout ce qui maintenant semble déchirant, demain sera pour toi un souvenir de joie. En somme, si j'ai compris, sans amour dans la vie et sans ses joies et ses chagrins, on n'a vécu pour rien. Un peu plus swing, parce que maintenant qu'il l'a dans la tête pour les mots, ben il n'y a plus qu'à prendre le rythme de la musique. Alors Hallyday comme ça c'est pas possible, mais Hallyday comme ça c'est mieux, hein. À quoi ça sert l'amour ? On raconte toujours des histoires insensées. À quoi ça sert d'aimer, dis-moi ? L'amour ne s'explique pas, c'est une chose comme ça qui vient, on ne sait d'où, et vous prend tout à coup. Moi, sert d'aimer. L'amour, ça sert à quoi? À nous de donner de la joie. Avec des larmes aux yeux, c'est triste et merveilleux. Pourtant, on dit toujours, l'amour, c'est décevant. Il y en a un sur deux qui n'est jamais heureux. Très joli, mais quand tout c'est fini, qu'il ne vous reste rien qu'un immense chagrin. Tout ce qui maintenant te semble déchirant demain sera pour toi un souvenir de joie. En somme, si j'ai compris, sans amour dans la vie, sans ses joies et ses chagrins, on a vécu pour. Je l'ai embrassé le premier parce que Mireille savait ce qu'elle allait faire, mais lui, pas du tout. Et je vous donne ma parole d'honneur que jamais je ne lui avais demandé de chanter. Je lui ai dit, écoute, ce serait bien si tu disais le texte, etc. Et j'ai senti avec Jean-Claude Rigg, avec tous les musiciens, qu'il n'y avait que deux petits pas à franchir et qu'il allait y aller à fond. Alors là, oui, mais on peut le faire qu'avec des professionnels, c'est normal. Bravo, monsieur. Voilà, bravo monsieur Hallyday, John Hallyday et Mireille Mathieu dans l'émission Piaf mon amour avec le titre À quoi ça sert l'amour. On revient à l'album de la semaine qui est Gang, sorti en décembre 1986 et en juin 1987, sort le single Je te promets. On n'est plus dans le passé qu'il faut se résigner à oublier. On est dans le futur qui se réalisera peut-être si les promesses sont tenues et si celle à qui elle s'adresse est toujours dans les parages à ce moment-là. Et là encore, c'est la solitude du chanteur qui fait la force de la chanson et la fragilité de la promesse qui lui confère sa dimension dramatique. On écoute tout de suite ce titre-là, Je te promets, immensément connu, signé Jean-Jacques Goldman. Je te promets le sel au baiser de ma bouche, je te promets le miel à ma main qui te touche, je te promets le ciel au-dessus de ta couche, des fleurs et des dentelles pour que tes nuits soient douces. Je te promets la clé des secrets de mon âme. Je te promets la vie de mes rires à mes larmes. Je te promets le feu à la place des armes. Plus jamais des adieux, rien que des au revoir. J'y crois comme à la terre, j'y crois comme au soleil. J'y crois comme un enfant, comme on peut croire au ciel. J'y crois comme à ta peau, à tes bras qui me serrent. Je te promets une histoire différente des autres. J'ai tant besoin d'y croire encore. Je te promets des jours doubles comme tes veines. Je te promets des nuits rouges comme tes rêves. Des heures incandescentes et des minutes blanches. Des secondes insouciantes au rythme de tes hanches. Je te promets mes bras pour porter tes angoisses. Je te promets mes mains pour que tu les embrasses. Je te promets mes yeux si tu ne peux plus voir. Je te promets d'être heureux si tu n'as plus d'espoir. J'y crois comme à la terre, j'y crois comme au soleil. J'y crois comme un enfant, comme on peut croire au ciel. J'y crois

chanter une chanson au milieu d'un tour de danse, c'est-à-dire avec cousin qui s'appelait Les Hallydays. Mon premier contrat, c'était dans un endroit qui s'appelait, enfin c'était au Bois de Boulogne. Non, non, non, non, c'est pas ce que vous croyez. C'était dans un restaurant, un dîner, avec du numéro. Et le premier soir, je chantais. On m'a viré. Il paraît que je faisais trop de bruit. Ça dérangeait les gens qui mangeaient. Et pourtant j'avais commencé une chanson comme ça. Hang on your head and cry. Hang on your head and cry. Hang on your head and cry. Poor boy, you're gonna die. Alors jusque là ça allait. Ça a commencé à glacher quand j'ai continué sur Hang on your head, Tom. Le restaurant m'a dit, dehors. J'ai dit, non. Donnez-moi une chance. Et encore une chance. Alors, il m'a dit, bon petit. Il avait un gros cigare. Il m'a dit, bon petit, alors encore une chance, mais alors tu te calmes. Hein. Des chansons romantiques. Je dis, d'accord. Le lendemain, je suis revenu long. T'as vu Croquette? Pourquoi t'as vu Croquette? Alors là, je suis revenu. Mais ne vous inquiétez pas, patron. Je vais vous faire une chanson lente. Je vais chanter une chanson comme ça. La première fois que je la refais sur scène, alors il faut que je me rappelle les accords. Summer, springtime too. Oh. marcher dessus. Ringon, le pauvre King, dans sa tente, s'il entendait ça aujourd'hui. Allez, continue comme ça, petit, reviens demain. Demain, je suis revenu, il m'a viré définitivement. Vous savez pourquoi ? Je lui ai dit, j'en ai une nouvelle, patron. J'ai commencé comme ça. Là, c'était foutu. simplement, j'ai une question pour vous. Vous voulez que ça continue? Eh bien alors, juste après la pub. Hallyday by Hallyday. Johnny et la publicité. Ouais, c'est sérieux. Tout le monde les bras en l'air, ne fais pas d'histoire, Édouard. Reste bien les bras en l'air derrière ton comptoir, Édouard. Premier qui n'est pas content n'aura plus jamais mal aux dents. Reste bien les bras en l'air, ferme ton tiroir, Édouard. Car on ne veut rien en faire, garde tes dollars, Édouard. On ne veut pas ton argent, que personne ne bouge à présent. On va trouver notre affaire derrière le comptoir, Édouard. Il y a là ce qu'on préfère, il y a le Ricard, Édouard. Tous les bras en l'air et pas d'histoire. Tu vas nous servir un Ricard, Édouard. Maintenant, on va essayer de continuer, un peu de musique. Laura, il y a tant d'hommes, je ne suis pas. Il y a tant de femmes. Je ne te dirai pas. Oh, oh Laura, j'aurais tant à apprendre de toi. Tous ces mots tendres qu'on sait, moi je ne les sais pas. J'ai poussé comme on respire, sans abri. Me remplit de toi. Je n'avais besoin de personne et tant de place pour toi. Oh, oh Laura, petit rien du tout, mais tant pour moi. Tous ces conseils qu'on donne, tu ne les entendras pas. Mais que le diable les emporte, tout me la chanson Laura. En même temps, j'en profite pour faire un petit coucou à mon amie Laurence qui nous écoute ce soir et à Cubzac-les-Ponts. Voilà, c'est près de Bordeaux. Laura, qui est extrait de l'album de la semaine et qui est Gang, sorti le 6 décembre 1986 et qui est également le dernier single extrait de l'album à sortir en octobre 87. Il sera aussi un succès considérable, doublé d'une chanson référence. La maison de disques de Johnny prend le parti d'accompagner le public jusqu'aux portes du premier Bercy de l'artiste et démontre que ce gang formidable recèle plus de titres à succès que n'importe quel album du rocker depuis Derrière l'amour, publié exactement 10 ans auparavant. D'autant plus qu'en janvier 88 sort L'envie dans une version live qui donne à la chanson la puissance d'un véritable mini-opéra avec éblouissant dégagement de guitare qui l'entraîne dans le lyrisme à la Queen, le groupe de Freddie Mercury. Mais on va retrouver donc ce Bercy 1987 avec le titre suivant Encore. Salut, c'est Johnny. Johnny en live. Encore, qui fait aussi partie de l'album de la semaine Gang. Et même quelque chose en plus, pour quelques instants de bonheur, j'ai payé des sacrés quart d'heure. Souvent j'en ai eu ma place, bien plus souvent à rentrer. Mes amis plus une place, plus un jeton à jouer. J'ai failli sortir à l'entrave, mais quelque chose me criait. Revoilà, j'ai goûté à toutes les choses qu'on peut avoir ici-bas. Où y a du noir et y a du rouge, et puis pas péter le là. Et quand je regarde en arrière, et quand je revois tout ça, tous ces visages au sommet, les scénarios de cinéma, et j'oublie les heures solitaires, les forfaits et les combats.

maintenant. J'ai fait trois albums avec des artistes, auteurs, compositeurs qui m'ont fait un album en entier, ce qui est assez rare dans ce métier. Le deuxième ça a été avec celui de Gang, avec Jean-Jacques Goldman. Le petit dernier, c'est avec Pascal Obispo. Et le premier de ces trois albums, c'est avec quelqu'un que nous regrettons tous aujourd'hui énormément. J'aimerais qu'on chante tous les trois cette chanson en son souvenir, notre ami Michel Berger. Quelque chose en nous de Tennessee, cette volonté de prolonger la nuit, ce désir fou de vivre une autre vie, ce rêve en nous avec ses mots à lui, quelque chose de Tennessee, cette force qui nous pousse vers l'infini. Tellement de bruit, quelque chose de Tennessee. Ainsi vivait Tennessee, le cœur en fièvre et le corps démoli. Son cri à lui, oui, quelque chose de Tennessee. Comme une étoile qui s'éteint dans la nuit, le bout d'autre sème à la folie. Sans un éclat de voix, sans un bruit, sans un seul amour, sans un seul ami, ainsi disparu Tennessee. Les victoires de la musique, Johnny Hallyday, le 20 février 1998 avec Pascal Obispo et avec Jean-Jacques Goldman. On va revenir à l'album de la semaine qui est sorti le 6 décembre 1986. Et à quelques jours de sa mise en place chez les disquaires, Johnny explique la genèse de son nouvel album dans les colonnes de la presse. C'est drôle, l'histoire de notre rencontre il y a quelques années, lorsque Jean-Jacques Goldman composait pour les autres. Il m'avait écrit une chanson, plus fort, et finalement c'est lui qui l'a chantée et c'est devenu un de ses premiers succès. Nous avions très envie de travailler ensemble et à travers les textes et les musiques qu'il me propose, je sens qu'il me capte très bien. Captation que Goldman confirme aussitôt en y ajoutant cependant quelques pondérations. Il y a des phrases ou des mots que Johnny ne sent pas. Comme sur une chanson pour sa fille Laura, j'avais écrit « Te regarder pousser me fera vieillir ». Johnny s'est offusqué. Il a dit « C'est tout le contraire, je me sens rajeunir ». Et ces petites choses font l'enrichissement d'une rencontre. Encore une fois dans ce disque, Johnny Hallyday joue sur les faux-semblants et fédère son public en chantant l'individualité de l'homme, ce à quoi l'encourage Berger et Goldman, deux créateurs de premier plan qui, l'ayant rencontré, ont été tous les deux frappés par cette façon qu'il a d'être à part dans son monde chanteur abandonné au milieu de la foule. Voici un extrait de l'album de la semaine « Tu peux chercher ». Danser serré, serré. Serré, serré, très, très, très, très, très près. Tu peux chercher des jours et des années. Tu peux chercher. Qui t'aimera autant que je t'aurais aimé. Tu peux chercher, rêver, t'imaginer. Tu peux jouer, tromper, te blesser. Briser des cœurs et des montagnes. Il n'y a pas d'homme ou de femme capable de t'aimer. Je voudrais le crier. T'en trouveras des biens plus charmants, plus distingués, plus brillants. Dans le type qui font si bien dans les salons. Plus élégant et plus galant, des moins jaloux, des moins loups. Raisonnable et jamais fou. Tu peux chercher des jours et des années. Tu peux chercher sans jamais t'arrêter. Perdre ton courage et ton âme. Te brûler flamme après flamme. Personne ne saura jamais t'aimer autant que moi. Des plus savants, plus malins, ils savent te parler comme je ne saurais jamais. Tellement cool et tellement patient, jamais trop, jamais violent. Des types qui savent toujours où ils finiront leur nuit. Mais tu peux chercher des jours. Des années, tu peux chercher sans jamais t'arrêter. Passer des heures et des frontières sans trouver sur cette terre quelqu'un qui t'aimera autant que je t'aurai. Salut, c'est Johnny. Johnny en live. On trouve Johnny en compagnie de Eddie Mitchell, Véronique Sanson, Michel Sardou et Jean-Jacques Goldman lors de la première tournée des Enfoirés. C'était en 1989 et avec un titre qu'on a déjà écouté en début d'émission. Voici le titre « Je t'attends ». Et là, on retrouve le duo Johnny et Jean-Jacques Goldman. Je t'attends, je t'attends, je t'attends, je t'attends, je t'attends, je t'attends. maintenant au dernier extrait de l'album de la semaine qui est Gang, sorti le 6 décembre 1986. Et Gang a aussi son lot de chansons moins connues comme dans Mes Nuits on oublie. Gros succès public cependant pour ce titre, notamment à Bercy en 1987. Encore, qu'on retrouve également à Bercy, Toute seule, Tu peux chercher ou à la rigueur Ton fils. Les deux tutoiements du disque, Laissé pour compte et Jamais chanté en scène, ce qui n'est pas étonnant dans un disque entièrement consacré au jeu, J.E., hein, d'un Hallyday impérial mais isolé, retiré et prudent. Voici le titre Ton fils, toujours réalisé par Jean-Jacques Goldman. On perd sa vie parfois à devoir la gagner. Il y en a qui naissent rois, d'autres du mauvais côté. Tu viens d'un pays que t'as presque oublié, de sable et de soleil et d'éternel été. Ceux qui ont de la chance y passent leurs vacances, et ceux qui y sont nés ne peuvent y travailler. Après toutes ces années, juste pour j'ai juste envie de dire à tes yeux fatigués, je voudrais que ton fils vive mieux que toi, qu'on le respecte mieux, qu'on le vouvoie comme un homme, un monsieur qui ne baisse. Pareil à tous ces gens qui parlent sans accent, oh, je voudrais que ton fils vive mieux que toi, qu'il ait toutes ses chances, tous ses droits, qu'il ait une signature, des mains blanches. D'identité à perpétuité. T'es pas un grand causeur, on te l'a jamais demandé. T'as payé en sueur le prix qu'il faut payer. Tu voulais qu'il ait tout sans jamais rien compter, pour qu'il ait toutes ses chances comme les enfants de France, pour un dernier désir, pour une ultime envie, la seule raison de croire à un sens à ta vie. Je voudrais que ton fils vive mieux que toi, qu'on le respecte mieux, qu'on le vouvoie. Monsieur qui ne baisse pas les yeux, pareil à tous ces gens qui parlent sans accent. Oh, je voudrais que ton fils vive mieux que toi, qu'il ait toutes ses chances, tous ses droits, qu'il ait une signature, des mains blanches. D'identité à perpétuité. Salut, c'est Johnny. Johnny en live. Nous sommes le 20 décembre 1987, c'est sous un chapiteau au stade Yves du Manoir à Colombes que le chanteur boucle une grande tournée et une grande année. Que je vous aime. Il manque de chansons. Que c'est grâce à vous si je suis sur cette scène aujourd'hui. Vous savez, les derniers jours, le dernier jour d'un spectacle, nous avons fait une tournée pendant 3 mois, c'est toujours un peu triste, parce que c'est un petit peu... C'est un petit peu un over pour quelques temps. Mais si on doit se quitter, c'est le bon moment parce que c'est les fêtes de Noël et puis je crois que nous avons tous envie de passer Noël dans notre famille. Alors j'aimerais du fond du cœur vous souhaiter ce Noël formidable avec ceux que vous aimez. Puis je vous souhaite une nouvelle année 88 formidable parce que n'oubliez pas que début d'année 88, je vous retrouve. Et puis cette chanson, j'aimerais vous la chanter pour vous. Merci. On retrouve quelque chose de Tennessee, Johnny Hallyday, cette fois-ci en solo. Et juste après, Johnny sera rock pour cette dernière date de cette tournée 87 avec Tutti Frutti et Blue Sweat Shoes. On a tous quelque chose en nous de Tennessee, cette volonté de prolonger la nuit, ce désir fou de vivre une autre vie, ce rêve en nous avec ses mots à lui, quelque chose de Tennessee, cette force qui le pousse vers l'infini. truc merveilleux. Je suis fier de présenter mes amis les musiciens. À qui j'aimerais souhaiter un bon Noël et une bonne année. Et puis vous, bon, le chanteur aussi, le chanteur aussi. Et puis vous qui êtes notre public, que j'aime, vous le savez, du fond du cœur. Car quelque part sans vous, moi je n'existerais pas. Car c'est vous qui avez fait Johnny Hallyday. Souhaite, encore une fois, joyeux Noël, bonne année et puis à l'année prochaine. Bonsoir. Le final de Johnny Hallyday, c'était le 20 décembre 1987 pour sa dernière date de la tournée 87 et reprenait en janvier 1988. La chef de l'émission Johnny de A à Z numéro 487 avec album de la semaine Gang. Je vous remercie toutes et tous pour votre participation et votre présence à chaque émission. Et n'oubliez pas qu'il y a le podcast pour réécouter cette émission ou pour la découvrir, bien entendu. Je vous donne rendez-vous dans 3 semaines. On se retrouve le 11 mai pour une nouvelle aventure avec Johnny Hallyday. Bonne nuit à toutes et à tous. À bientôt. Ciao, ciao. Oh, l'anarchiste, c'est vachement toujours de Nexo. In RIG 90.7. Ne cherchez plus, c'est 90.7.